in der Botschaft, die wir uns momentan anhören, geht es um dich und Christus. Le message qui est en train de traiter, c'est, ça s'agit de toi et Jésus-Christ. It should be between you and Christ. Es sollte zwischen dir und Christus sein und zwischen dir und niemand anderem. Ça devait être entre toi et Jésus-Christ et pas quelqu'un d'autre. Praise the Lord. Amen. Carnal things can do nothing until they become spiritual. Fleischliche Dinge können nichts tun, sei denn sie werden geistlich. Les choses charnelles ne peuvent pas avoir. Fleischliche Dinge können nichts tun, es sei denn sie werden geistlich. Les choses charnelles ne peuvent rien te faire, seulement si devient spirituel. The natural things can do nothing until they become supernatural. Die natürlichen Dinge können nichts ausrichten, wenn sie noch nicht übernatürlich geworden sind. Les choses charnelles ne peuvent rien faire dès qu'ils deviennent spirituels. Praise the Lord. Amen. A spirit is not behind something, that something cannot be effective. Wenn kein Geist hinter einer Sache steckt, kann diese Sache nicht gefährlich sein oder etwas bewirken. Si l'esprit est pas derrière quelque chose, ça pas de pouvoir. There's no both sides, Christ or Satan. The spirit has to be behind something before that something can be able to do whatever needs to be done. Und es geht für beide Seiten, ob geistlichen Christus oder geistlich beim Satan. Wenn kein Geist dahinter steckt, ist diese Sache machtlos. Et ça concerne tous les deux côtés, le côté de Jésus-Christ et le côté de Satan. Si le pouvoir spirituel n'est pas dedans, ça n'a pas de pouvoir. No wonder Jesus said the flesh profited nothing. Kein Wunder, dass Jesus sagt, dass das Fleisch nichts nützt. C'est pour cela Jésus a dit que les choses charnelles ça n'a pas de sens. Amen. Amen. And the reason we are to submit everything, our everything to Christ. Und der Grund, weshalb wir alles everything Jesus Christus übergeben müssen, alles müssen wir Jesus Christus übergeben. C'est la raison qu'on devait tout rendre à Jésus-Christ. He does not want to take anything from you. Jesus, but he wants to make them to be supernatural so that they will be useful for you. Jésus they will work for you and not against you. Jésus ne veut rien t'arracher. Aber er möchte, dass die Dinge, die er dir nimmt, übernatürlich werden. Mais il veut que les choses qu'on le donne, qu'on le rend, que ça devienne surnaturel. Praise the Lord. Hallelujah. In Romans 8 talks about carnality. In Römer 8 geht es um Fleischlichkeit. Dans Roman 8, ça parle de la chair. From verse 1, it says. Römer 8, Vers 1. Romains 8, verset 1. But there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Those that are in the Spirit, there is no condemnation. Für die, die im Geist sind, gibt es keine Verdammnis mehr. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ dans l'Esprit. Remember, Christ's word is Spirit and life. Erinnere dich daran, dass die Wahrheit, das Wort von Christus, ist Geist und Leben. Rappelle-toi que la vérité de Jésus-Christ, c'est la vie et c'est l'Esprit. You know, John 6:63. The word that I speak to you, they are spirit, they are life. Johannes 6. The word that I speak, 69. Not the word that Moses speak. Jesus sagt, Moses spoke. Die Worte, die er spricht, nicht die Moses spricht, sind Geist und Leben. Jésus dit dans Jean que le mot que lui qui est en train de prêcher, la parole que lui qui est en train de dire, c'est son spirituel et c'est la vie, pas la parole de Moïse. Yes, he said that there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the spirit. I don't know if you get it. Walking after Christ. Nach Christus wandeln. Des marchés en Christ. You know what? To condemn a building. If you condemn a building, that building must be destroyed. Ein verlassenes Gebäude muss zerstört werden. Condemn, condemnation is here. Condemnation. There is condemnation. You see so wie eine Gebäude kommt eine so nimmer eine Behörde kommt und sagt diese kommt Ingenieur und so und sagt diese Gebäude ist nicht mehr wohnbar, kann man nicht. Ja, die Papierfabrik neu ist, ist verlassen. Mm-hmm. Okay. Ok. Un bâtiment abandonné. Et condamné à être détruit. Praise the Lord. Amen. In verse 2, it says, for the law of the spirit of life in Christ Jesus have made me free from the laws of sin, the law of sin and death, the laws of Moses, and free from the laws of Moses. Thou shalt not, thou shalt not, thou shalt not. Christ freed me from it. Die Gesetze des, der Sünde und des Todes sind die Gesetze von Mose und der Herr Jesus Christus hat mich frei davon gemacht. Amen. Verset 2, car la loi de l'esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ a libéré de la loi du péché et de la mort. We are free from the laws of sin and death. Wir sind frei von den Gesetzen von Sünde und Tod. On a été libéré de la loi du péché et de la mort. Christ's law is our freedom. Das Gesetz von Christus ist unsere Freiheit, nicht das Gesetz von Mose. La loi de Jésus-Christ est notre liberté, pas la loi de Moïse. Praise the Lord. And that's why it's not about you, at all, it's about Christ. Deswegen geht's nicht um dich, sondern um Christus. C'est pour cela, ça s'agit pas de toi, mais ça s'agit de Jésus-Christ. It's not about what you do to people, do for people or do for God. It's what Christ did. Ça ne s'agit pas de tes œuvres, qu'est-ce que tu fais, mais ça s'agit de ce que Jésus a fait pour nous. Es geht nicht um deine Werke für Gott, andere Menschen und für dich selbst, sondern es geht um das, was Jesus Christus getan hat. He said, for what the law could not do, in that it was weak through the flesh. You know, Moses' law is spiritual. Das Gesetz von Moses geistlich. La loi de Moïse est spirituelle. You know, it's a Romans 7. Let me see. Romans 7. Using flesh. Let me see it. Look at it, verse 14. It's even here. Look at it, verse 14. Verset 14. 14. Romans 7, 14. Römer 7, Vers 14. He said, for we know that the law is spiritual. You see it there? Moses' law is spiritual. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin Fleisch unter die Sünde verkauft. Beides ist geistlich. Verset 14 dit, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 7. Romains 7, verset 14. Then it says, that same verse, verse 14, says, but I am carnal, sold under sin. I'm flesh. You know, flesh cannot do anything in the spiritual world. Das Fleisch kann nichts in der geistlichen Welt tun. La chair est pas capable à faire quelque chose dans le monde spirituel. The laws of Moses, they are bigger than flesh. Die Gesetze von Moses. That's why flesh cannot fulfill it. Deswegen kann das Fleisch es nicht kann das Fleisch ist nicht befolgen. La loi de Moïse est plus que charnelle, c'est spirituel. C'est pour cela la chair est pas capable à l'accomplir. You know, only Christ's law that is greater than the laws of Moses. Nur das Gesetz von. And that is the only law. That Christ's law is the only law that can fulfill it, that solve the problem of the laws of Moses. Nur das Gesetz von Christus hat das Gesetz von Mose erfüllt und kann das Gesetz von hat das Gesetz von Mose gelöst, weil Christus das Gesetz erfüllt hat. C'est seulement la loi de Jésus-Christ qui était capable d'accomplir la loi de Moïse. He said, for what the law could not do, in that it was weak. The flesh is too weak for the law. Denn das Fleisch ist zu schwach für das Gesetz. Parce que la chair est trop faible pour la loi. He said, the God sending his own son in the likeness of sinful flesh. And for sin, condemning sin in the flesh. Is somebody getting something here? That the righteousness of the law might be fulfilled in us. Merci. Who walk, verse 4. Pardon, Marie. Amen. Verse 4. That's not from. Back to eight. Children, what are we going to do now? Where are you? Romans. Which country? Romans 8. Okay. Romans 8. We are back to Romans 8. Thank you. He said, for what the law could not do in that it was weak through the flesh. The flesh was too weak for the law. The flesh can do nothing in the spiritual world. Das Fleisch ist zu schwach für das Gesetz. Das Fleisch kann nichts tun in der geistlichen Welt. La chair est trop faible pour la loi. La chair ne peut rien faire dans le monde spirituel. God sending his own son in the likeness of sinful flesh. And for sin, condemning sin in the flesh. Verse 4. That the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the spirit. Amen. To walk after the spirit. Nach dem Geist zu wandeln. Romans 8, verset 4. Il a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite. Et ce qui nous concerne, nous qui vivons, non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'esprit. Ça veut dire marcher en esprit. Praise the Lord. Alléluia. Who walk not after the flesh. After the flesh is full of unforgiveness, bitterness, hatred. Denn das Fleisch ist voll von Unvergebenheit, Bitterkeit und Hass. Car la chair est plein de de la haine et de la frustration et de ne pas pardonner. You no longer have enemy. That what man call enemy. You know, I don't know. Wir haben nicht mehr das, was der Feind. No more enemy. What man call enemy. Tu n'as plus des ennemis. You know what man call enemy is people. Man call people enemies. Nennen andere Menschen ihre Feinde. Tu n'as plus des ennemis, ce que le monde appelle ennemis. Amen. Amen. Please don't live in unforgiveness. Lebe bitte nicht in Unvergebenheit. S'il te plaît, il faut. Il faut vivre dans le pardon. Oui, il faut vivre dans le pardon. Who have offended you that is have been so painful to you? Wer hat dich so krass that verletzt? Affect you in qui t'a tellement blessé que tu n'es pas capable à pardonner? Better forgive. Vergebe lieber. Because c'est mieux de pardonner. You, the Lord have already also forgiven. Denn dir wurde schon vergeben. Parce que toi, tu as déjà été pardonné de Dieu. It might be your children. It might be your husband that you married before. You know, there are a lot of things, friends, you know, that have offended us. Es könnten Freunde sein, forgive in Christ's sake, because of Jesus. Ex-Partner oder Ex-Ehemänner sein, es könnten selbst unsere eigenen Kinder sein, aber wir sollen vergeben, weil der Herr Jesus can be Christus mother, can be father. Uns vergeben hat. Que ça soit ton mari ou bien ton ex, que ça soit tes enfants, on doit être capable à pardonner ces gens. You know, there is no forgiveness, or let me say repentance, without action. Es gibt keine Buße ohne Werk, ohne Tat. Si tu repentis, il y a toujours une action. Amen. Amen. If you don't phone them before, pick phone and phone them and tell them about Jesus Christ. Wenn du wirklich Buße getan hast und vergeben hast, dann tu das, was du sonst nicht tust. Ruf sie an und predige Jesus zu ihnen. Si tu as vraiment repenti, alors prends le téléphone et appelle ces personnes et donne-lui Jésus-Christ. No matter what they have done to you, what you did to Jesus is bigger than what they have done to angetan, you. Jesus can forgive you. There's no one you should not be able to forgive. Amen. Egal, was sie dir angetan haben und was sie dir genommen haben, das, was Jesus Christus angetan wurde, ist viel, viel größer. Deswegen sollst du so vergeben, wie dein Vater dir vergeben hat. Peu importe qu'est-ce qu'ils ont fait ou bien la douleur, mais sois capable à le pardonner comme le Père aussi t'a pardonné à travers son Fils Jésus-Christ. Walk after the Spirit and not after the flesh. Wandle nach dem Geist und nicht nach dem Fleisch. Marche selon l'Esprit et pas selon la chair. Is somebody getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Mm. Religion is full of unforgiveness. Religion ist voll von Unvergebenheit. La religion permet toujours de ne pas pardonner. You know, under the laws of Moses, you will be full of unforgiveness. Is that tooth for a tooth? Von Mose bist du voll von Unvergebenheit, weil du voll von Rache bist, voll von Zahn um Zahn, Auge um Auge. Wenn du mich bekämpfst, bekämpfe ich dich zurück. Si tu es dans la loi de Moïse, tu vas toujours essayer de te revenger, toujours avoir la haine, toujours avoir la frustration à travers ces gens ou bien ces personnes. He said that the righteousness of the law may be fulfilled in us who walk not after the flesh, but after the spirit. You know, you can judge yourself. You can, you know, what are you walking after? Is it the flesh or the spirit? Are you full of Christ or you are full of the flesh? Du kannst dich selbst beurteilen, du kannst selbst über dich richten. Wandelst du in Christus oder bist du voll vom Fleisch? Toi-même, tu peux te juger. Est-ce que tu marches selon l'esprit ou bien tu marches selon la chair? Yes, you want to say something. Des soucis, franchement, j'allais partir trop loin même voir mon avocat parce qu'il y a une situation qui vraiment me fait trop mal. Je ne sais pas vraiment, j'ai remercié le bon Dieu parce que ça là, le message là du pardon, c'est Dieu qui me parle aujourd'hui. C'est vraiment Dieu qui me parle parce que. Souci même m'avait dit de, maman pardonne, j'ai dit non, c'est trop, il y a un problème entre, qui s'est passé entre moi et son papa. Bon, moi je ne savais pas, en fait je ne savais pas, j'étais à la maison, j'ai reçu une lettre des finances, il paraît-il que papa n'est qu'au contrôle, bon, bah, comme une lettre on a que na ça baba ne ko contrôler nga et puis maintenant na comme frère ba retirer dossier na za ba baba no vérifier si na za qui criminel et loco moi bon na juste à lettre et outil na finance on tina ba quitter na bengi moi sango na tunier à l'obina nga bon na fanda qui na dusbo bon suite à Also sie dankt dem Herrn, she's thanking the Lord, because this message is really for her, because she's in a situation right now where she has also to forgive, and she said that I have been also speaking to her before the message that she should forgive and not be in hate, because she received a letter from Finanzamt that someone has been doing something in her name. Since 2019, and this person was of course my father, and she received a letter, and she was also called that something happened, a big amount of money that she don't even know anything about. Yeah. That my father in Duisburg, yes, has been using her name, and but now they praise the Lord. They also found out that it wasn't my mom, that it was. Someone else, and it was really shocking for her because all the time she didn't even know that something is going on since 2 years that people are verifying, also die überprüfen, ob der kriminell ist oder nicht. Und es hat sie so geschockt, weil sie halt sagt, nach all dem, was passiert ist, you still don't stop to hurt people. Na genau, deshalb will sie Christus dafür danken für die Botschaft. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let us continue. He said, you know, we walk after the spirit and not after the flesh. Wir wandeln nach dem Geist und nicht nach dem Fleisch. On marche selon l'esprit et pas selon la chair. From verse 5 now. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh. Römer 8, Vers 5. But they that are after the spirit. Romains 1, 8, verset 5. The things that are of the spirit, but to be carnally minded is dead, but to be spiritually minded is life and peace. Amen. Praise the Lord. Romains 8, verset 5. En effet, les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même. Mais ceux qui ont l'esprit tendent vers ce qui est conformé à l'esprit. Car c'est à quoi tend l'homme livré à lui-même mené à la mort, tandis que c'est à quoi tend l'esprit conduit à la vie et à la paix. Just continue to see Christ. Schau weiter auf Christus. Continue à regarder, à voir Jésus-Christ. Amen. Amen. Whatever he wants you to do, he asks you or he tells you to do, do it. Jesus. That is what Christ wants you to do. Worum auch immer der Herr dich bittet, tu das. Et peu importe ce que le Seigneur te dit de faire, fais-le. Don't be ashamed to choose Jesus. Schäme dich nicht, Jesus zu wählen. Il ne faut pas avoir honte de choisir Jésus-Christ. Amen. Amen. But there is no repentance without action. Aber es gibt keine Buße ohne Tat. Il y a toujours une action dans la repentance. Amen. Amen. If you repent, you will pick your phone and call. Wirst du auch anrufen? Si tu as repenti, tu prends le téléphone et tu appelles. Are you getting it? Repentance and action, they go together. Buße und Tat, die gehen miteinander einher. La repentance et l'action, ça va toujours ensemble. Somebody offended me years ago. Vor ein paar Jahren hat mich auch jemand verärgert oder verletzt. À l'époque, il y avait quelqu'un aussi qui m'a blessé. And I was so sad about it. Je suis très traurig darüber. J'étais tellement triste. When the Spirit, you know, when the Lord helped me to get the revelation of forgiveness. Aber als der Herr mir die Offenbarung über Vergebung gegeben hat. Et quand le Seigneur il m'a donné la révélation des impardonnances, j'ai directement pris le téléphone et j'ai appelé cette personne. Not knowing how she was even going to react. Und ich wusste nicht, wie sie darauf reagieren wird. Je ne savais même pas sa réaction. Mir war das egal. But you know, I was surprised that she was so happy that I phoned her. Aber ich war überrascht, dass diese Person sich sogar gefreut hat über meinen Anruf. Mais j'étais tellement étonné que cette personne était vraiment dans la joie quand j'ai appelé, parce qu'à l'époque on s'est vraiment disputé. Amen. War eine große Sache. I am the type that if you offend me, there's no forgiveness. I don't have forgiveness in my dictionary before Christ, before coming to Christ. Anything forgiveness, don't forget. That's why I don't want, I hate to have misunderstanding with people. Once I have misunderstanding with you, it stays forever. That has been, but since, you know, coming to Christ, it's you know, we turn a thief to become a giver. Amen. Amen. It's so wonderful coming to him. Vor Christus kannte ich keine Vergebung. Ich konnte nicht Vergebung schreiben. Es war nicht in meinem Vokabular. Ich wollte das nicht verstehen und ich wollte das einfach nicht für mich. Deswegen wollte ich auch keinen Streit, weil ich wusste, wenn ich mit dir Streit habe, bist du für mich tot sozusagen. Aber mit Christus, er führt dazu, dass ein Räuber zu einem Geber wird. Er verändert alles. Amen. Et avant que j'ai donné ma vie en Jésus, j'étais une personne, si j'ai une dispute avec quelqu'un, je ne connaissais pas le mot de pardonner. Pour moi, pardonner, c'était même pas... Je ne voyais même pas le mot pardonner. Et c'est pour cela que je n'aimais pas me disputer avec les gens. Mais maintenant que j'ai Jésus-Christ, je sais que comme je suis pardonné en Jésus, je suis aussi capable à pardonner la personne. Put something here in Romans 8. Then let us go to Mark. And even look at... look at Mark 10. Well, sorry, Mark 11. Marc 11. Verse 25 and 26. Look at what the old said about verset 25. Marcus 11. 25. 25 and 26. 25 and 26. Marc 11, verset 25 et 26. He said, and when you stand praying, forgive. If you have ought against any, you see there. I need there, please. Esther, can you help us to read 25? Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt. Wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. And when you start praying, forgive. If you have ought against any, that your Father also, which is in heaven, may forgive you your trespasses. Mm. But if you do not forgive, neither will your Father, which is in heaven, forgive your trespasses. Here, you know, he is saying, what he's saying here, he's saying it after talking about prayer. Das, was er hier sagt, sagt er, nachdem er über das Gebet gesprochen hat. C'est que Jésus, d'entrer, de dire dans cet passage, il a dit ça avant de prêcher sur le sujet des prières. Look at verse 24. It says, therefore, I say unto you, whatsoever you desire, when you pray, believe. You know, when you pray, believe. Then immediately now said, forgive. In 24 spricht er erstmal über das Gebet, dass wir hier glauben. Forgiveness is very, powerful. Dass wir empfangen haben, so wird es uns auch zuteil werden. Aber davor, danach sagt er erstmal, dass Vergebung aber eine wichtige Rolle darin mitspielt und dass du halt das nicht, also nicht voneinander trennen kannst. Dans verset 24, on voit que Jésus a parlé des prières, que si on croit, que si on prie, qu'on croit qu'on a déjà reçu. Et après, en verset 25, il parle des pardonner. Alors on voit que pardonner, ça a vraiment une rôle très important. Praise the Lord. Hallelujah. You know, here where we just read is about the old. Hier, das ist aber über das alte Bündnis. Mais ce qu'on vient de lire, ça s'agit de l'ancienne. And according to the Bible, l'ancienne alliance. The old, the new is greater than the old. Und nach dem Wort Gottes ist even tougher than the old. Ist das neue Bündnis sogar strikter als das alte Bündnis. Et si on voit la parole de Dieu, on voit que la nouvelle alliance est plus grande que l'ancienne alliance. Is somebody getting something? Mm. You know, the old is saying forgive so that your Father will forgive you. Das alte if Bündnis you sagt, if you violate here, he said your Father will not forgive you. How much more now? That you have been forgiven and you refuse to forgive. Das alte Bündnis sagt, vergebe, damit du Vergebung empfängst. Aber das neue Bündnis sagt, du wurdest schon vergeben, also wage es gar nicht, in Unvergebenheit zu wandeln, wenn du doch schon vergeben wurdest. Et dans l'ancienne alliance, on lit ici dans verset 25 que tu pries que tu es capable à pardonner pour que le Père te pardonne. Mais comment de plus dans le nouveau alliance qui dit que tu peux pardonner parce que toi tu as déjà été pardonné. You know that Jesus has forgiven you does not mean that you don't forgive people. Dass Jesus dir vergeben hat, heißt nicht, dass du anderen nicht vergeben musst. Parce que seulement Jésus t'a pardonné, cela ne veut pas dire que tu ne dois pas pardonner les autres. Whoever you yield yourself to will be your master. Wem auch immer Christ du sitzt, der wird dein Meister sein, ob der Satan oder Christus. Et la personne que tu vas te donner, c'est la personne qui sera ton maître, le diable de Jésus. Unforgiveness is satanic weapon. Unvergebenheit ist eine teuflische Waffe. L'impardonnance, c'est une arme diabolique parce que ça vient du Satan. You forgive and see what the Lord is. And watch and see the Lord action in your life. Vergibst und schaust, wie der Herr in deinem Leben wird. Toi, tu pardonnes et tu verras comment le Seigneur va agir dans ta vie. Look at Colossians 3, verse 13. Colossiens 3, vers 13. Colossiens 3, verset 13. It says, forbearing one another and forgiving one another. If any man have quarrel against any, even as Christ forgave you, so also you do ye. So also you forgive. Amen. Colossiens 3, verset 13. Supportez-vous les uns et les autres. Si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné. Vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. You know, how did God, how did Christ, how did he forgive you? Wie hat Christus dir vergeben? Comment est-ce que le Seigneur t'a pardonné? He did not forgive you because you are good. Er hat dir nicht vergeben, weil du gut bist. Il t'a pas pardonné parce que tu es une bonne personne. He forgave you because he is good. Er hat dir vergeben, weil gut ist. Il t'a pardonné parce que c'est lui qui est bon. So your forgiveness have nothing to do with that person. Deine Vergebenheit to do with Christ. Ist also unhab Christ in you. Deine Vergebung ist also unabhängig von dieser Person, die dich verletzt hat, sondern vollkommen abhängig von Christus. Et que tu pardonnes, ça dépend pas de la personne, ça dépend de Jésus-Christ qui t'a déjà pardonné. The old, if the old said, if you don't forgive, God will not forgive. How much more? How tough is the new? It's new, it's tougher. Ja, das neue Bündnis ist viel, viel radikaler. Jetzt dürfen wir es gar nicht wagen, in unsere Vergebenheit zu wandeln, wenn wir doch so eine große Vergebung erfahren haben. Les nouveaux alliances est tellement fort que on devait vraiment mettre dans notre tête que Jésus-Christ nous a pardonné, alors on n'a pas des excuses pour pas pardonner. You know, there are people that just harden their heart. Aber es gibt Menschen, die ihr Herz verhärten. Mais il y a des gens qui ont tellement une cœur fort. You will destroy you. Endurci. Aber du wirst dich zerstören. Mais toi, tu vas te détruire. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. You know those that run away from the truth, they will see, you know, lies will destroy them. Lies. Die Leute, die von der Wahrheit weglaufen, sie werden von der Lüge, in die sie halt dann reinrennen, immer mehr und mehr zerstört. Et les gens qui fuient la vérité, eux-mêmes, ils vont marcher dans la mensonge qui vont les détruire. Your forgiving them is spiritual. Deine Vergebung, it's not about you, it's not about the flesh, it's about the spirit. Es ist nicht über, es geht nicht um dich, es geht um den Geist. Que tu pardonnes quelqu'un, c'est spirituel, c'est surnaturel, ça ne s'agit pas de la chair. Praise the Lord. Hallelujah. You know, don't be ashamed. Don't, you know, the pride is flesh and blood. Dieser Stolz ist Fleisch und Blut. Schäme dich nicht dafür. Schäme dich nicht für Christus. Don't be ashamed. Il faut pas avoir honte de Jésus-Christ parce que dès que tu arrives pas à pardonner, c'est la fière. C'est l'orgueil. Oui, c'est cet orgueil et cet orgueil charnel. Your funny them is not humbly before them, it's humbly before Christ. Mit anzurufen, aber demütigst du dich nicht vor ihnen, sondern du demütigst dich vor dem Herrn. Du demütigst dich vor Jesus, vor Christus. Und der Herr, er schenkt den Gnade, die sich vor ihm demütigen. Si tu le téléphones, par exemple, tu te humilies à Jésus-Christ et pas à la personne. Si tu t'humilies devant Jésus-Christ, c'est pas devant la personne. Oui. You know, if you are in the flesh, you can never forgive. Wenn du Fleisch bist, wirst du niemals vergeben. Car si tu es dans la chair, tu seras jamais capable à pardonner. And that's how you know you are in the flesh. Und du weißt auch, dass du im Fleisch bist. Et c'est pour cela que tu reconnais que tu es dans la chair parce que tu n'es pas capable. You say I forgive, but there is no action. There's nothing like I forgive without action. Aber du handelst nicht danach. Aber es gibt keine Vergebung ohne danach zu handeln. Tu pardonnes, mais on voit pas ton action. Et si tu pardonnes, il y a toujours une action qui doit suivre. Praise the Lord. Hallelujah. Let us go to Hebrew. I will just go as the. I don't know how many the time we permit us. Amen. Go to put hand in Romans 8. We are still coming there. Let's go to Hebrew. Hébreux 3. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The Lord is the one directing our life. Der Herr ist derjenige, der unser Leben leitet. Lass uns das erst leiten. C'est le Seigneur qui dirige notre vie. Permet le Seigneur à diriger ta vie. Amen. I don't want to call my brother's name. Because full of unforgiveness. Ich will nicht über meinen Bruder sprechen, aber mein Bruder war voll von Unvergebenheit. Je vais pas parler de mon frère, mais mon frère était quelqu'un qui était rempli d'impardonnance. I'm not saying it to bring him down. I'm saying it that you repent and not harden your heart. Ich sage das nicht, um ihn runterzuziehen, sondern um dir zu helfen, Buße zu tun, damit du da rauskommst, falls du dich noch da drin wälzt. Je ne dis pas ça pour pas le mal de mon frère, mais je dis ça pour que tu puisses penser à les choses que je suis en train de dire et de savoir à pardonner de Jésus-Christ pour que ton cœur ne s'endurisse pas. Ne soit pas endurci. Ne suis pas endurissé. You know, I marvel that when I think about his forgiveness. Ich bin erstaunt, wenn ich darüber nachdenke, wie viel Unvergebenheit in seinem Herz gekommen hat. Was predigst du? Je suis tellement étonné si je pense qui est rempli de cette impardonnance, parce que je me demande qu'est-ce que tu es en train de prêcher comme pasteur. And that's why law, to be under Moses' law, is so deadly. Deswegen ist es auch so tödlich, im Gesetz von Mose zu sein. C'est pour cela c'est trop dangereux d'être en dessous de la loi de Moïse. If you are not delivered from there, you can never be saved, you can never be free. Wenn du davon nicht erlöst bist, wirst du niemals errettet sein und niemals frei sein. Et si tu n'es pas libéré de la loi de Moïse, tu ne seras jamais capable d'être libre, d'être sauvé. Remember the Pharisees, they were unable to be delivered from death. Jesus called their father the devil. Erinnert euch an die Pharisäer, sie waren nicht in der Lage, davon errettet zu werden. Sie wollten sich nicht erretten lassen. Und deswegen hat der Herr gesagt, dass ihr Vater der Satan ist. Et rappelez-vous des pharisiens, ils étaient incapables à être sauvés, à être libérés. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit que leur père, c'est le diable. After death is judgment. Und nach dem Tod kommt das Gericht. Et après la mort, c'est le jugement. Don't because of anybody go to hell. Wegen niemanden in die Hölle. Et you will not like it. Évite d'aller à cause de quelqu'un en enfer. Law, Moses' law hardened somebody's heart, and that person will not even know that his heart is even hardened. Das Gesetz von Mose verhärtet. You say, I forgive, but there is no action. Und es tut es, und du tust, und du merkst es noch nicht mal. Und du sagst, du vergibst Menschen, aber du hast sie nicht wirklich vergeben. Et la loi de Moïse endurcit le cœur des gens, et les gens même, ils ne remarquent pas que leur cœur est endurci, parce qu'ils disent, oui, j'ai pardonné, mais ça ne se voit pas dans leur vie, bien dans leurs actions. Praise the Lord. Alléluia. The Bible said even when Moses, Moses life is being read today, their heart is still hardened. It's still hardened the heart of those that follow it. Und die Bibel sagt, dass selbst heute noch, wenn das Gesetz von Mose gelesen wird, sind ihre Herzen immer noch verhärtet gegenüber der Wahrheit. Et même jusqu'aujourd'hui, la parole de Dieu dit que ces gens-là, leur cœur est toujours endurci, même jusqu'aujourd'hui, parce que ils veulent pas voir la vérité. First of all, look at Hebrews 3, verse 7 and 8. Verses 7 and 8. Verses 7 and 8. It says, wherefore, as the Holy Ghost said, today if you will hear his voice, just as you have been hearing his voice, so wie ihr jetzt seine Stimme hört, harden not your heart. Aujourd'hui, si vous attendez la voix de Dieu. No, don't let people now use your hardy heart to be correcting one another. Where Satan destroy you. Lass nicht zu, dass dein verhärtetes Herz zum Exempel wird für andere, um davon zu lernen, wie man eben nicht als Kind Gottes zu sein hat. Ne laisse pas les gens voir que tu as un cœur par tes actions, que tu as un cœur endurci, qu'ils apprennent de ton cœur endurci et qu'ils voient que que tu es en train de comporter pas comme un enfant de Dieu doit se comporter. You know when things happen to people, especially when people die, people don't want to talk about anything evil that they have done. Besonders wenn Menschen that is not Christ. Möchte man auch nicht über die Fehler der Menschen sprechen, die diese Menschen getan haben. Man möchte eigentlich nur die tollen, schönen Sachen aufzählen. Aber man will alles unter den Teppich kehren, was irgendwie schlecht oder komisch auf diese Person zutrifft. Aber so sind wir nicht im Königreich Gottes. Et surtout quand les gens sont décédés, et la plupart des gens, ils n'aiment pas parler des choses mauvaises que les gens ils ont fait. Ils parlent toujours des choses qu'ils ont, des bonnes choses qu'ils ont fait, et toutes les choses mauvaises, ils essaient de cacher ça, mais tu peux pas cacher des choses mauvaises dans les yeux de Dieu. That person is gone, but the people here need repentance. Diese Person ist zwar weg, aber die Leute, die hier zurückbleiben, brauchen Buße. La personne qui est morte, elle est peut-être décédée, mais les gens qui sont encore ici, sont encore vivants, ils ont besoin de repentir. So that, you know, their mistake will not keep on repeating itself. Damit diese Fehler sich immer wiederholen, damit dieser Geist nicht auf jemand anderes springt. Pour que le faute ou bien le mal que la personne l'a fait, que ça ne se répète pas dans, dans la vie des gens qui sont encore vivants, pour qu'ils puissent être libérés, être nés de nouveau. That that you ignore something does not mean repentance. Nur weil du etwas ignorierst, heißt das nicht, dass du Buße getan hast. Juste parce que tu es en train d'ignorer quelque chose, cela ne veut pas dire que tu as repenti. Jesus did not say ignore. Jesus hat nicht gesagt, ignoriere. Oh, don't do, pretend, do as if nothing happened. Und sei frei. Jésus, let me do as if nothing happened. He said, repent. Sondern tu Buße. Jésus n'a pas dit d'ignorer ou bien de faire semblant que tu as pardonné. Il a dit non, il faut repentir. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. If I go and be with the Lord, praise Christ. Wenn ich and use, you know, use what you see. Et si je suis avec le Seigneur, gloire à Dieu. Nutze das, was du in mir siehst, um das Evangelium zu I will not be angry with the Lord over there. I will not be sein auf den Herrn oder auf dich oder auf praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. But if you are saying the, you know, the good of this world about them, people just clap and say, hey. But say the other side. They don't go there. How will the people here repent? How will they know that the evil is wrong? I don't know. Am I not saying something? Are you getting it? Aber die Leute wollen nicht das Böse über diese Leute sagen oder wollen nicht die Fehler dieser Person darüber sprechen. Aber wenn du diese Fehler nicht ansprichst, können Leute nicht davon lernen und Buße tun. Et les gens ne veulent pas parler du mal, ce que ces personnes qui sont décédées ont fait. Mais comment tu veux que les gens repentissent si tu ne parles pas de fautes ou bien des choses mauvaises qu'ils ont fait? If you look at the Bible, there's the Old Testament that still helps us to learn today. Wenn du dir die Bibel anschaust, haben wir das Alte Testament, und was uns immer noch hilft, heute zu lernen. Et si tu regardes dans la Bible, l'Ancien Testament nous aide à vivre et d'apprendre des choses. You know, that's, you know, I talked about my brother that is full of unforgiveness. You know, if your brother is a Muslim, he's going to hell. It does not, you know, if your brother is not choosing Christ, your brother, your sister is not choosing Christ. They go to hell, just like I don't know. You get it? You know, somebody that wants to stop crying should speak from here. Jemand, der now, don't harden your heart. Weinen will, choose Christ. Sollte jetzt anfangen zu sprechen, weil ob dein Bruder in der Religion lebt, ob dein Bruder ein Muslim ist, ein Buddhist, ein Atheist oder irgendwas ist, was nicht Christus ist. Die Endstation ist die gleiche, es ist die Hölle. Et la personne qui veut pas pleurer ou bien être être triste, c'est mieux pour lui de commencer à prêcher maintenant chez les gens, que ça soit ton frère qui est dans les religions ou bien ton mari, ta femme, ta sœur, c'est maintenant l'occasion et le temps de prêcher à ces gens, parce que la destination de ces gens-là, c'est la même chose, c'est l'enfer. He might not be full of unforgiveness, but he's full of religion. Dieser Mensch ist vielleicht nicht voll von Unvergebenheit, aber er ist voll von Tod, weil er das Leben nicht hat. Cette personne peut-être il est pas rempli de impardonnance, mais il est rempli de religion. Praise the Lord. Halleluja. The real cry is coming, not yet. Die wahre Trauer kommt noch. Et la vraie deuil, ça va encore venir, c'est pas encore là. Si on voit que ces personnes ils vont être en enfer. Today, if you will hear his voice, harden not your heart. Acht. As in the provocation. In the day of temptation, in the wilderness. When your father tempted me, verse 9, prove me and saw my works 40 years. They are still tempting him today. Sie versuchen ihn heute immer noch. Still tempting him. Les, versuchen den Herrn immer les noch. Gens Amen. Provoquent toujours encore le Seigneur. Wherefore, I was grieved with that generation. I said, they do err. Always err in their heart, and they have not known my ways. Praise the Lord. Hallelujah. So I swear in my wrath, they shall not enter into my rest. Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief. Verse 12. In departing from the living God. Praise the Lord. Hallelujah. But exalt, look at first, let us read it continuously. Amen. Let us continue reading it. Verse 13, but exalt one another daily. Praise the Lord. Hallelujah. Why it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. For we are made partakers of Christ. 14. If we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. Why it is said today, if you will hear his voice, harden not your heart. As in the provocation. For some, when they had heard, they provoked. Howbeit, not all that came out of Egypt by Moses, but with whom was he grieved 40 years? Was it not with them that had sinned? Whose carcasses fell in the wilderness? And to whom swear he that they should not enter into his rest, but to them that believe not? If you believe on what he did for you, you will forgive. Wenn du an das glaubst, was für dich getan hat, wirst du vergeben. Si tu crois en ce que Jésus a fait pour toi, tu vas pardonner. Are you getting it? If you believe that you offend, how much you, if you know and believe that you really offend him, and upon all, he came here to die for you. If you are the only one on earth, he could have still come to die for you. If you can believe that, you will not harden your heart. Wenn du wirklich an dieses Opfer glauben kannst, dann wirst du dein Herz nicht verhärten. Et si vraiment tu crois à la sacrifice de Jésus-Christ, tu ne vas pas endossir ton cœur, mais tu vas avoir la foi. Alors, die Frage ist, glauben wir das? Mais la question est-ce que tu crois? Verse 19. So we see that they could not enter in because of unbelief. Verset 19. Then in verse 1 of. Look at chapter 4. Hebrews 4:1. He said, let us therefore fear. There is a fear here that he wants us to fear. Er möchte, dass wir eine Furcht haben. Le Seigneur veut que on a la crainte. Fear, the fear not to believe the Lord. Die Furcht davor, dem Herrn nicht zu glauben. La crainte de ne pas croire le Seigneur. If you believe in, you will choose him. Wenn du ihn glaubst, wirst du ihn wählen. Du wirst das Fleisch wählen. Et si tu crois en lui, tu vas pas choisir la chair, mais tu vas choisir Jésus. You know why you choose the flesh? Because you don't believe him. Wisst ihr, weshalb ihr das Fleisch wählt, weil ihr nicht glaubt? Tu sais pourquoi tu choisis la chair? Parce que tu ne le crois pas. You know, the flesh. Deswegen wählt ihr Freunde. You choose them and reject Christ. Eltern, weil ihr sie wählt und Christus damit verweigert. C'est pour cela vous choisissez les amis, les parents ou bien les frères et les sœurs et vous rejetez Jésus-Christ. Let us therefore fear, lest a promise be left us of entering into his rest. Any of you should seem to come short of it. For unto us was the gospel preached as well as unto them. Verset 2. Are you getting it? The gospel was also preached to them. But the word preached did not profit them. Is somebody getting it? You are all hearing the gospel right now. Wir alle hören das Evangelium gerade. Nous tous sommes en train d'attendre l'évangile. Remember, Jesus talked about foreground in Matthew 13. Erinnert euch daran, Jesus foreground. Spricht in Hebräer, spricht in Matthäus 13 über vier verschiedene Böden. Rappelez-vous que Jésus parle dans Matthieu de quatre sols différents. Diese vier Herzen, auf die das Wort fällt. Ce sont quatre cœurs où la parole de Dieu est en train de tomber. It says some will grow and produce just 20, some 30, some 60, some 90, some even 100. Can you get it? Bei einem wächst 20, bei anderen 30, bei anderen 60, bei anderen wächst gar nichts. Et dans tous ces quatre sols différents, chacun, l'autre ça pousse plus que l'autre sol. Bon, c'est des sols différents, alors leur fruit aussi pousse différemment. He said, for unto us was the gospel preached, verse 2, as well as unto them. Verset 2. But the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. Is somebody getting it? Mais le message, you refuse to believe. Mais les messages qu'ils ont entendus ne leur a servi à rien car ils ne se sont pas associés par leur foi à ceux qui ont reçu. Sie haben sich geweigert zu glauben. Ils ont refusé à croire. Praise the Lord. Let us leave there. Go back to Romans 8. Romains 8. Amen. Verset 6. For to be carnally minded is dead. If your mind is full of flesh, you know your spirit can be saved and your mind full of death. Unser Geist kann errettet sein, aber unsere Seele ist voll von Tod, voll von Fleisch, fleischliche Gesinnung. Notre esprit peut être sauvé, mais notre pensée peut être remplie de la chair. I hope you know what kind of mind means. Ich hoffe, ihr wisst, was eine fleischliche Gesinnung ist. J'espère que vous savez qu'est-ce que signifie une pensée charnelle. If you believe the report of the doctor more than Christ is saying about you. You have a kind of mind. Wenn wir mehr an das glauben, was der Arzt sagt, als das, was Jesus Christus über unsere Gesundheit und unseren Leib sagt, dann haben wir eine fleischliche Gesinnung. Si on croit à ce que à le rapport du docteur, ce qu'il dit sur nous, sur notre vie, on a une pensée charnelle. You know, if for you, your children must go to university, must pass, they must make it. It's all about you must have a car, must have it. You know, you compare them to other children. You are carnal. Wenn es dir darum geht, dass you have a dead heart. Deine dead Kinder. Erfolgreich hier auf Erden sind, dass sie studieren, dass sie Dinge machen, Dinge in Bewegung setzen, dann bist du fleischlich gesinnt und nicht geistig gesinnt, weil du immer noch an den Dingen dieser Welt hängst. Et si pour toi ça s'agit que tes enfants par exemple ont une éducation ou bien ont le succès sur cette terre et toutes ces choses qui sont charnelles. Là, ça veut dire que tes pensées sont une pensée charnelle. Parce que tu es trop attaché à les choses du monde. For to be carnally minded is dead. A carnal mind is full of the things of this world. Die fleischliche Gesinnung ist voll von den Dingen dieser Welt. Une pensée charnelle est tellement remplie des choses de ce monde. Man wünscht sich diese Welt, man sucht nach dieser Welt, man liebt diese Welt, man zelebriert diese Welt, man feiert diese Welt. Tu désires ce monde, tu es en train de célébrer ce monde, tu cherches tout ce qui est de ce monde. You celebrate with them. Du feierst mit dieser Welt. Tu célèbres avec le monde. We celebrate, but we celebrate Christ. Wir feiern, aber wir feiern Christus. Nous aussi, on célèbre, mais on célèbre Jésus-Christ. But they celebrate the flesh. Aber sie zelebrieren and you das Fleisch. Celebrate with them. You are aber wenn wir mit ihnen das Fleisch zelebrieren, sind wir tot. Mais eux, ils sont en train de célébrer le monde. Et si toi, tu célèbres avec eux, tu es en train de célébrer la mort, tu es en train de célébrer les choses charnelles. Amen. But to be spiritually minded, your mind to be full of Christ. Aber dass deine your Gedanken motive, your value, voll von Christus sind, Jesus, geistlich gesinnt sind. He said it is life and peace. Das ist Leben und Frieden. Mais que tes pensées sont, sont spirituelles, sont Jésus-Christ, sont remplies de Jésus-Christ. C'est ça qui est la vie. People may hate you for choosing Christ. That is life and peace. Aber Leute werden nicht, es wird nicht ohne Verfolgung sein. Leute werden dich für diese Entscheidung hassen, aber dennoch ist es Frieden und Freiheit. Et cette décision de voir une pensée spirituelle en crise, peut-être ça va, les gens vont te détester, ils vont essayer de t'écarter, mais ça c'est la vie, ta choix c'est la vie, c'est Jésus-Christ, la liberté. You know, they might not come to your celebrating Christ, when you are celebrating birthday, you know, celebrating Christ. You know, they might not even invite you to celebrate death with them. Sie werden dich vielleicht nicht einladen, den Tod mit ihnen zu feiern. Und sie werden nicht dabei sein wollen, wenn du das Leben Jesus Christus feierst. Aber für dich ist es Erfolg, Leben, wenn du dich für Christus entscheidest. Et peut-être ils vont pas t'inviter dans leur fête ou bien de célébrer avec eux la mort. Et peut-être ils vont pas venir si toi tu es en train de célébrer Jésus-Christ. Mais il faut savoir que la Bible dit que ta choix pour Jésus-Christ, c'est une bonne choix parce que c'est la vie. Verset 7, because the carnal mind is enmity with against God. Verset 7. For it is not subject to the law of God, neither it can be. Verse 8. Verset 8. So then, they that are in the flesh cannot please God. It's here so difficult to understand. If you are unforgiveness, you cannot please God. If you are in hate of hatred, bitterness, you know, if you are of, you know, it's all about my parents, my, you know, the flesh. Wenn wir im wenn wir im Fleisch wandeln, wenn wir im Fleisch wandeln, können wir dem Herrn nicht gefallen. Wir können dem Herrn nur gefallen, wenn wir Jesus sehen. Et si on marche dans la chair, on peut pas plaire le Seigneur. On peut seulement plaire le Seigneur si on marche en esprit. Praise the Lord. Hallelujah. So then, they that are in the flesh cannot please God. It's only when you are in the spirit, wenn in Christ Jesus, that you please God. Christus, Jesus, if you choose Christ, you please God. Tu peux seulement plaire le Seigneur si tu es en Jésus-Christ, si tu es en esprit. Then in verse 9, it says, but you are not of the flesh. Verset 9. But in the spirit. Are you getting it? Choose to be on the... Choose to be of the spirit. Entscheidet euch, vom Geist zu sein, nicht vom Fleisch. Choisis d'être en esprit et pas dans la chair. He said, if so, be that the spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the spirit of Christ, he is none of his. Are you getting it? And if Christ be in you, the body is dead because of sin. But the spirit is life because of righteousness. Mm. You know, if you have Christ, you might still be facing difficulties. Wenn du Christus hast, hast du zwar immer noch Schwierigkeiten. Bad news is coming. But your spirit does samba 24/7. Aber dein Geist freut sich ständig. Ici, par exemple, il y a Jésus-Christ, ça peut se passer qu'il y a des difficultés qui arrivent, mais il faut savoir que ton esprit est en vie, ton esprit est en train de danser. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 11, but if the spirit of him that raised Jesus from the dead dwell in you. Verse 11. The spirit in you is the spirit that raised Jesus from the dead. Der Geist in euch ist der Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat. L'esprit qui est en vous, c'est l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ qui habite en vous. Es ist der gleiche Geist, der den Körper des Herrn erhalten hat. C'est le même esprit qui a qu'il a maintenu le corps du Seigneur. He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by the spirit that dwelleth in you. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. It will quicken your mortal body. What you hear will not control you. Es wird unseren, selbst unseren physischen Leib wird es lebendig machen. Es wird unsere Freude, unsere, unseren Frieden nicht weg, von uns wegnehmen, wenn wir zulassen, dass das, was in unserem Geist ist, auch in unserer Seele ist. Et cet esprit, il va laisser notre notre corps qui est charnel être vivant, si on laisse que l'esprit de Jésus-Christ soit dans notre pensée, dans notre vie, si on se décide pour l'esprit de Jésus-Christ. That's why I've called us debtors. In 12, verset 12. Call us debtors. He said, therefore, brethren, we are debtors. Who say that? Debtors. Hier steht, dass wir verschuldet sind. Wir sind verschuldet. Ici, on écrit que verset 12, on dit donc, frères et sœurs, si nous avons une obligation. You know what debtor means? Debtor. To be poor in the spirit. Blessed are those that are poor in the spirit. That are hungry for Christ. Gesegnet sind die, die arm sind im Geist, die hungrig sind nach Gerechtigkeit, nach Christus. Debtor is somebody that needs something. You are hungry of something. You need money to pay something. If you are owing somebody, you want to look for a way to pay that person. Du bist sozusagen verschuldet und du brauchst jemanden, der deine Schuld begleicht. You need the spirit to teach you. You are debtors to the spirit, but not to the flesh. Du bist verschuldet dem Geist gegenüber, aber nicht dem Fleisch gegenüber. Und diese Schuld, die beglichen, also diese Schuld, die beglichen werden muss, kann nur durch den Geist beglichen werden, nicht durch das Fleisch. It's like you, if you say if you are hungry, I will feed you. If you are hungry of righteousness, I will feed you. You want you to be hungry. And he wants you to be debtors to the spirit. If you are a debtor, you want to pay. Your focus is there to follow and to follow him. Mm-hmm. A debtor is, you get it? Dans verset 12, il y a écrit qu'on a une obligation. Mais cette obligation, on peut la comparer à une dette qu'on a. Mais cette dette, ce n'est pas nous-mêmes qu'on va la payer, c'est Jésus-Christ qui paye nos dettes. It's like when he said, oh, no man anything but Christ, that love. Christ is love. You are owing somebody. Are you getting it? Like debtor. Und das Gleiche gilt auch für die Schuld der Liebe, wenn wir Leuten Liebe schulden. Und genauso sollen wir halt einen Mangel haben, aber dieser Mangel soll ein geistlicher Mangel sein, damit nur der Geist diesen Mangel erfüllen kann. Wir sollen keinen fleischlichen Mangel erleiden, weil sonst werden wir diese Erfüllung und diese Sättigung im Fleisch suchen. Aber wenn wir einen geistlichen Hunger haben, eine geistliche Schuld haben, die beglichen werden muss, werden wir auch diese Schuld versuchen im Geist zu begleichen. Und wenn wir diesen Hunger versuchen im Geist zu stillen. C'est pour ça aussi on peut aussi comparer ça à l'amour qu'on doit à nos prochains. On doit peut-être l'amour à nos prochains, mais cet amour, ça doit être l'amour du Christ. Donc c'est toujours Christ qui paye nos dettes. Et c'est pour ça qu'on dit aussi qu'on doit être pauvre en esprit, parce que la richesse qu'on va recevoir en esprit, cette richesse va venir aussi de Jésus-Christ lui-même. He said, "Oh, no man anything but love. Christ is love. Amen. You owe them Christ. You are a debtor to them. What you are owing them is Christ. Was wir ihnen schulden, ist Christus. Devoir quelque chose à quelqu'un. Donc le devoir. On doit donner l'amour à notre prochain. Ouais. La seule chose qu'on doit à notre prochain, c'est l'amour. Et cet amour est Jésus-Christ lui-même." Praise the Lord. Hallelujah. For if you live after the flesh, verse 13, you shall die. Can you see what flesh is so deadly. Verse 13. Live after the flesh. Nach dem Fleisch zu leben, so deadly. Get out of there. De vivre par la chair, c'est vraiment très dangereux. The Bible warned us a lot concerning death. He said, if you live after the flesh, you are still going to die. Die Bibel warnt uns vor dem Tod. He wants you to live long. There are four types of death. Maybe next week we have retreat here. I will want to talk about it. Amen. Praise the Lord. Die Bibel warnt uns hier vor dem Tod, genauso wie er es schon von Anfang an auch im Garten getan hat. Er warnt uns immer wieder vor dem Tod, aber wir rennen immer wieder rein. He warns us. He warns Adam and Eve concerning it. La Bible nous prévient. still warning today. Yeah. La Bible nous avertit, bien nous prévient de la mort, comme il avait fait aussi dans chez Adam et Ève, et c'est jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, il nous prévient de la mort. He says, stop choosing the flesh. Arrête de choisir la chair. Are you getting it? Mm-hmm. Stop loving the flesh. Arrête d'aimer la chair. Head off das Fleisch zu wollen. Stop desiring the flesh. Head off das Fleisch zu wollen. Arrête de désirer la chair. You don't have things to do with God's children, but you have things with, to do with those religious people. Wir haben nichts zu tun mit Kindern Gottes, religious aber people. Viel zu tun mit religiösen Menschen. Friend. Religiöse Menschen sind unsere besten Freunde. Tu n'as rien à voir avec les enfants de Dieu, ou bien tu ne passes pas le temps avec les enfants de Dieu, mais tu es plutôt avec les gens religieux ou bien les gens qui ne croient pas en Jésus-Christ. Wer sind unsere Freunde? C'est qui tes amis? I thank the Lord I only have Jesus. Ich danke dem Herrn, dass ich nur Jesus habe. Je remercie le Seigneur que je sais mon Jésus. I don't want to eat dinner. Take any, eat any, you know, eat any dinner with Satan. Ich möchte nicht mit irgendjemandem essen. I don't know if somebody's getting it. Je ne vais pas manger avec quelqu'un qui a parti le diable. Let us meet this Sunday. Let us go to the beach. Let us go outside and no, with who? Is it with Christ or with Satan? You choose. Mit wem willst du Brot brechen, mit Christus oder dem Teufel? Avec qui tu veux avoir ton repas, avec Jésus ou bien avec le Satan? Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. God's children should be your best friend. Kinder Gottes sollten unsere besten Freunde sein. Den Christus. I'm not talking about religion. Les enfants de Dieu devaient être tes meilleurs amis parce qu'ils ont Jésus en lui. Je parle pas des enfants de religion. Und ich spreche über Christus, den wahrhaftigen Christus, nicht Religion, weil da sagt uns die Bibel, wir sollen mit so welchen Leuten noch nicht mal essen. Parce que je parle de Jésus-Christ et pas des gens qui sont dans les religions, car la Bible nous dit qu'on ne devait même pas manger avec ces gens. For if you live after the flesh, you shall die. But if you through the Spirit do mortify the deeds of the body, you shall live. For as many as are led by the Spirit of God. 14. 14. They are the sons of God. Amen. Can you see how to be a son of God? Vous voyez comment God be led by the Spirit. Voyez comment on peut être des enfants de Dieu, comme c'est écrit dans verset 14, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Indem wir durch den Geist Gottes geleitet sind. His prayer is more than being just praying the prayer of salvation. Es ist mehr als das Gebet einfach nur zu sagen. C'est plus que de faire la prière de salut. Then in verse 15, it says, for you have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption. Verset 15. Whereby we cry, Abba, Father. Amen. Verse 16. The spirit itself bears witness with our spirit that we are the children of God. Mm. Praise the Lord. Amen. Christ's spirit not join your spirit. The Geist von Jesus. Christus ist mit unserem Geist vereint. L'esprit de Jésus et notre esprit, ils sont unis. There is the natural spirit. Es gibt den natürlichen Geist. Il a l'esprit naturel. Amen. There is satanic. There is satanic spirit. And there is Christ spirit. Und es gibt den teuflischen Geist. Can you see three? Und es gibt Christus, sein Geist. Et il y a l'esprit de Jésus-Christ, mais il y a aussi l'esprit du Satan. When Adam sinned, when Adam disobeyed God, gesündigt hat, als er Gott missachtet hat, quand Adam a péché, il a désobéi le Seigneur, the true God, the Holy Ghost in his spirit left. Der Heilige Geist, but he was still alive. He still have a spirit. That's why he was still alive. Hat ihn verlassen, aber er war noch lebendig, physisch. Weil er immer noch einen Geist hat, der noch da war. Le Saint-Esprit qui était dans son esprit, il a quitté l'esprit d'Adam, malgré qu'il était encore vivant, parce qu'il avait encore un esprit qui tenait son corps. Mais le Saint-Esprit qui était dans son esprit, il a quitté. Praise the Lord. Hallelujah. You know, when God left that place, he said, like Jesus, he said, if that place is empty, you see, he says, if you cast out evil spirit, and that place is empty, you get it. Mm-hmm. That evil spirit is coming back. Mm-hmm. I don't know if somebody's getting it. Und Bibel sagt auch ganz klar, dass wenn wir einen bösen Geist von einem Ort vertreiben, muss diese Stelle ersetzt werden mit der Wahrheit. Weil sonst wird diese leere Stelle ersetzt werden durch weitere Dämonen und es wird dieser Person schlechter gehen wie am Anfang. Et la Bible nous dit que si on délivre quelqu'un d'un esprit mauvais, cette place qui est vide doit être remplie avec l'esprit de Jésus-Christ, sinon il y aura des autres esprits qui vont retourner dans cette place et le remplir. Praise the Lord. Hallelujah. He said the spirit of adoption whereby we that verse 16 again, look at 16? It. Romans 16. He said the spirit is said bearer witness with our spirit. The Holy Ghost bear witness with your spirit that we are God's children. Then if you leave there and go to 1 Corinthians 6, verse 17. 1 Corinthians 6, 17. He said, but he that is joined unto the Lord is one spirit, not two spirits. 17. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Amen. 1 Corinthiens 6, 17. Mais celui qui s'unit au Seigneur devient lui un seul esprit avec lui. You know that, you know, Christ spirit, Satanic spirit, that the spirit in you cannot, the spirit in you cannot live, cannot be active here without Christ spirit or Satanic spirit. One of them have to join that spirit in you to be here on earth. Dein natürlicher Geist muss sich entweder dem Geist des Satans anhängen oder dem Geist von Christus anhängen. Er kann nicht unabhängig von diesen beiden Mächten existieren. Ton esprit naturel doit s'accrocher ou bien dans l'esprit de Jésus-Christ ou bien s'accrocher à l'esprit du Satan. Ça peut pas vivre indépendant de ces deux esprits. Alors, ça doit être rempli ou bien d'esprit de Jésus-Christ ou bien d'esprit de Satan. I don't know if you get it. You know that spirit is there, but without here, you it's not say you choose. You choose life or death. You choose Christ or Satan, and one of them is going to live in you and be able to now be walking through you. Yeah. Und einer dieser Geister, die muss sich entscheiden, muss sich für Leben oder Tod entscheiden. Und der wird der Geist, für den du dich dann entscheidest, der wird durch dich dann leben. C'est pour cela que tu dois choisir ou bien la vie ou bien la mort. Et ta choix de un de cet esprit va vivre en toi et va te donner ou bien la mort ou bien la vie. Praise the Lord. Hallelujah. Let me quickly read to 20-something. There are things to learn here. And if, verse 17. And if Christ, if children, the heirs of God, are joint heirs with Christ, if so be that we suffer with him, that we may also glorify together. How do you suffer with Christ? Wie leiden wir mit Christus? Comment est-ce que on souffre avec Jésus? Romains 8, verset 17. How do you suffer with Christ? Wie leiden it's not wir mit by Christus? Having cancer or, you know. Nicht indem wir Krebs haben oder keine Ahnung. Comment est-ce qu'on souffre avec Jésus-Christ? On ne souffre pas avec Jésus-Christ si on a le cancer ou bien on est malade. You suffer with him by choosing him. Wir leiden mit ihm, indem wir uns für ihn entscheiden. Once you believe him, you choose him. On souffre avec Jésus-Christ pendant qu'on choisit Jésus-Christ. Parce que c'est là que tu vas voir la souffrance avec Jésus dès que tu te choisis pour lui. Denn wenn du dich für dich, wenn du dich für ihn entscheidest, werden Leute gegen dich sein. Die Welt, das ganze System wird gegen dich sein. Parce que si tu choisis Jésus-Christ, tout le monde ou bien les gens seraient contre toi parce qu'ils sont contre Jésus. If you are believing here for your mate. You are going to suffer with him. Very amen. Mm-hmm. Because, you know, to find mate today is very easy. You know, just look for, we know Mr. and Mrs. Google. You just go there and just look for. You get it. You know, to suffer, you know, to stand, to say, Father, whoever is coming must come from you. It doesn't matter the years. Mm. It doesn't matter the time. I don't look, my age doesn't matter. You know that you are suffering for Christ. No. Because you're choosing. Und wie wir Christus leiden, beispielsweise im Thema Ehe, dass wir uns für den Willen des Herrn entscheiden und nicht für das, was diese Welt uns zu bieten hat, damit leiden wir auch, weil das System dieser Welt sozusagen hinter uns her ist und uns weismacht, dass wir Zeit verschwenden, dass wir dumm sind, dass wir naiv sind und damit erfahren wir Verfolgung von der Welt. Aber wir halten an der Wahrheit fest und vertrauen auf den Herrn und wählen sozusagen Christus. Und so leiden wir für Christus. Et un exemple comment on peut souffrir ou comment on souffre avec Jésus-Christ, c'est l'exemple du mariage. Par exemple, si on croit la volonté de Dieu pour notre mariage, qui peu importe les temps, peu importe qui ça soit, qu'on tient toujours encore en Jésus-Christ, parce que le monde va nous dire « Oh, tu es déjà trop âgé » ou bien « Pourquoi tu prends seulement quelqu'un que tu veux ou bien que tu désires ?» Mais si on souffre avec Jésus-Christ, ça veut dire qu'on se laisse diriger par le Seigneur, on marche selon sa volonté. Praise the Lord. Hallelujah. Allow Christ to help you to choose your mate. Lass du, dass Christus dir deinen Ehepartner gibt. Laisse Jésus-Christ à te donner ton mari ou bien ta femme. Allow Christ to correct your life. Lass du, dass Christus dein Leben verbessert, korrigiert. Laisse Jésus-Christ à corriger ta vie. Amen. Amen. Some of us have made a lot of mistakes. Einige von uns haben viele Fehler in der Vergangenheit getan. Beaucoup de nous ont fait beaucoup de fautes à l'époque dans leur vie. And if we repent and turn to the Lord, wenn wir Buße tun, there is restoration. Und zum Herrn uns wenden, gibt es wieder gibt es Restauration. Es gibt Wiederherstellung. Amen. Et si si on se tourne vers Jésus-Christ, il y aura une restauration de notre vie. He said, I will restore the years that carcasses have eaten. Er hat gesagt, er wird die Jahre wieder gut machen, denen die Heuschrecken eure Ernte zerstört haben. Er wird diese Ernte wieder herbringen, damit es so aussieht, als ob ihr nie diese Ernte verloren hättet. Donc il va nous remettre les années qu'on a perdu, que les sauterelles ont dévoré ou nous ont volé, on peut dire. No one ever come to Christ and that there is no restoration. Es kommt niemand zu Christus. You really embrace the true Christ. Ohne Restauration zu erfahren. Il n'y a personne qui choisit Jésus-Christ sans avoir la restauration dans sa vie. All he does not want for you is to keep on living that mistake. Aber er will nicht, dass du in diesen Fehlern weiterlebst. Allow him to be your focus. La seule chose que le Seigneur veut pas que tu vis dans tes fautes, que tu vis dans les choses mal que tu as fait, que tu sois focalisé à lui. It's not who fall. It's somebody that fall and is able to get up. Es geht nicht um die Leute, die gefallen sind. Es geht um die Leute, die wieder aufstehen können und Christus wieder anschauen können. Et ça s'agit pas des gens qui sont tombés, qui ont eu la chute. Ça s'agit des gens qui sont qui sont relevés et qui ont marché dans la volonté avec Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. Verset 18. For I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Amen. Whatever you are suffering, amen. What are you suffering of? Was erleidet, was erleiden wir momentan? What you call suffering today? Was wir heute leiden? Romains 8, 18, j'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. For I reckon that the suffering of the present time are not worthy to be. You know, if you choose Christ, there's going to be hatred, bitterness. There's persecution everywhere. Amen. People making fun of you is part of persecution. They call your name, they laugh. Jesus, what? Si on choisit Jésus, si on choisit Jésus, it's part of persecution. Il y aura la persécution et les gens vont se moquer de toi. Und das ist Teil der Verfolgung. Et c'est ça une part de persécution. Again, I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Your suffering now, what do you even call suffering? Was wir jetzt leiden, it's just nothing compared to the victory of the Lord. C'est qu'on appelle la souffrance maintenant. C'est qu'on appelle la souffrance maintenant et pas comparé avec la victoire qui va venir dans l'avenir en Jésus-Christ. Then from verse 19 it talks about everybody waiting for the Lord. Verset 19. Geht es darum, dass alles die Schöpfung auf den Herrn wartet. Everybody, even the trees, the animals, they are all yawning. Die Natur, die alle warten auf die Rückkehr unseres Herrn. Et dans verset 19, on lit que toute la création est en train d'attendre la retour du Fils de Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We just read that a carnal mind is an evil mind. Wir haben eben gelesen, dass eine tote Gesinnung ist. Et on vient de lire qu'une pensée charnelle, c'est une pensée mortelle. It will work against you if even your spirit is saved. Und es wird gegen dich arbeiten, selbst wenn dein Geist errettet ist. Et ça va se mettre contre toi, même si ton esprit est sauvé. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Moses' rod was one carnal. Der Stab von Mose war einst fleischlich. Et le bâton de Moïse était au début c'était charnel. We still have some minutes. Amen. Exodus 4. 2. Mose 4. Praise the Lord. Exode 4. That's 20. 20. You know, just a natural stick. Ein gewöhnlicher Stab. Verset 20, pardon. It's a natural. It was a natural rod. But coming to God, you know, coming once He leave Him to you, it's no longer natural, but supernatural. Aber sobald wir das ihm abgeben, wird es übernatürlich. Et le bâton de Moïse était au début charnel, mais dès qu'il a donné ça, il a rendu ça au Seigneur, c'est devenu surnaturel. Submit everything to Him. Übergebe alles Jesus. Donne tout à Jésus-Christ. Look at verse 20. Verset 20. He said, and Moses took his wife and his sons. Are we there, please? Felix, can you help us to reach it? So nahm Moses seine Frau und seine Söhne und ließ sie auf dem Esel reiten und zog wieder in das Land Ägypten. Mose nahm auch den Stab Gottes in seiner Hand. The rod, the natural rod, now become the rod of God. Dieser natürliche Stab wurde dann zum Stab Gottes, weil ein Geist hinter diesem Stab war. Cet bâton naturel est devenu le bâton de Dieu, parce qu'il y avait un esprit derrière cet bâton. In Exodus 4, we tell you, in that verse, look at 2-4, we tell you how that rod is now called the rod of God. 2-4, look at it from verse 2-4. Exode 4, maintenant verset 2 jusqu'à 4. Before this time, it was a carnal rod. It was a natural rod. Au début, c'était une bâton charnel. C'était c'était normal. You know, if you made the Lord the head, the rod, everything, all the body follow. Wenn du den Herrn zum Kopf machst, dann wird alles andere ihm folgen. Et si tu permets que le Seigneur ait la tête, toutes les autres choses vont suivre. The Lord should be the head. Der Herr muss der Kopf sein. Mais le Seigneur doit être la tête. You can see somebody without hand, but you cannot see somebody without head. Es gibt Menschen, die haben keine Arme mehr oder keine Beine, aber es gibt keinen Mensch, der keinen Kopf hat. Il y a des gens qui n'ont pas des bras ou bien pas des pieds, mais il y a personne, il n'y a pas quelqu'un qui marche sans une tête. Because all the body follows the head. Weil der Körper folgt dem Are you getting Kopf. It? Parce que le corps il suit la tête. And that's why if you make Christ the head, all the body, everything follows. Alles. C'est pour cela si tu permets Jésus être la tête, tout le corps, toutes les choses vont suivre. Praise the Lord. Alléluia. Verse 2. Verset 2 à 4. And the Lord said unto him, What is that in your hand? And he said, a rod. Mm. And he said, cast it on the ground. And he cast it on the ground. And it became a serpent. And Moses fled. Moses is like somebody like me. I will run. Snake, oh. Praise the Lord. You know, some of us love snake. I don't know. How many people love snake here? Yes, there are certain de nous qui aiment les serpents. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. And he casts, verse 3 again. Verset 3. And he said, cast it on the ground. And he cast it on the ground. And it became a serpent. And Moses fled from before it. And the Lord said unto Moses, put forth your hand and take it by the tail. Praise the Lord. Hallelujah. You know, here the Lord was saying, submit your life to me. The hair that I should be the head. Et ici, dans cette passage, on voit que le Seigneur dit à Moïse, donne-moi ta vie, laisse-moi être la tête de ta vie. You know, snake, if you want, if you take the snake by the tail, you are a dead man. Hmm. Wenn du eine Schlange am Schweif packst, wird sie dich töten, weil sie wird sich umdrehen und dir den Hals speisen. Et normalement, si tu prends, tu attrapes un serpent par la queue, c'est vraiment très très dangereux parce qu'il peut te tuer. If it means death, I'm here. Mose hat sozusagen sich hingegeben und gesagt, ey, wenn es tot heißt, dann heißt es tot. Et ici, on voit que Moïse s'est vraiment donné au Seigneur parce que ici, ça s'agit de la mort. And he put forth his hand and caught it, and it became a rod in his hand. Hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And that rod was no longer the old rod. Und dieser Stab war nicht mehr der alte Stab. Et cet bâton n'était plus l'ancien bâton, mais c'était un bâton de nouveau. Remember, Moses submitted everything. Moses alles. Life. Moïse a tout donné sa vie. Do you know where that is in the New Testament? Mm. Luke 14. In Lucas 14. Dans Luc 14. It says, hate all, even your life. Hasse alles, selbst dein Leben. Il est écrit, let it be all about me. Il faut tout détester, même ta propre vie. Praise the Lord. Hallelujah. Are we getting it, please? Mm. Amen. Amen. He submitted his natural life to the only true God. Er hat sein natürliches Leben dem einzig wahrhaftigen Gott übergeben. Moïse a donné sa vie naturelle à le seul Dieu. And everything of Moses was changed, including the rod. Moses wurde verändert, selbst sein Stab. Et tout de Moïse a été changé, même son bâton. Verse 20, now called that rod the rod of God. Und dann wurde dieser Stab zum Stab Gottes. Et dans verset 20, comme on vient de lire, if cette you bâton, submit your children to Christ, they are no longer natural children, but supernatural children. Cette bâton est devenu le bâton de Dieu. They are untouchable. Wenn wir unsere Kinder dem Herrn übergeben, werden sie übernatürlich, unantastbar für den Satan. Et si on donne nos enfants au Seigneur, ils vont devenir surnaturels, parce qu'ils sont maintenant des enfants de Dieu et plus les enfants de Satan. Everything of Moses was changed, including the natural rod to the supernatural. Alles von Mose wurde verändert. Tout de Moïse a été changé. This house is not a natural house. Dieses Haus ist kein natürliches Haus. Cette maison, c'est pas une maison naturelle. Christ never gave his children anything natural. Christus gibt seinen Kindern nie was natürliches. Le Seigneur ne donne jamais à ses enfants des choses naturelles. Praise the Lord. Hallelujah. You know, we love natural so much. Ah, wir lieben natürliche Dinge. Mais nous, on adore des choses naturelles. Half puff puff. Ein halber Berliner ist besser als keiner. une beignée moitié est plus mieux qu'une beignée aucun beignet. Qu'aucun beignet. He never gave you anything natural. He doesn't have any natural things. Heaven have supernatural things. Everything, they are all coming from heaven to you. Hat nur eine übernatürliche Versorgung. Mais le Seigneur ne donne rien naturel car le ciel a toujours des choses surnaturelles. Praise the Lord. Hallelujah. If this world, if they really know Jesus, They will run to Jesus. They don't know Jesus. They only know religion. Et si vraiment cette monde connaissait Jésus-Christ, tout le monde aurait couru à travers Jésus-Christ, mais ce monde connaît seulement la religion. Religion is heavy load. Religion ist eine schwere Last. La religion c'est vraiment un poids, une poids. Because it's only about what you do. Parce que ça nous om das geht, was du tust. Parce que ça s'agit seulement de ce que toi tu fais. And what you do is never enough. Was du tust reicht aber nie. Et ce que toi tu fais c'est jamais assez. Praise the Lord. Alléluia. You wanted to say something. Yeah. I'm contemplating on saying something, but it's also just a reminder. Exodus 4, mm-hmm. If we see 10, maybe as from 9 or 10, mm-hmm. It's very interesting. Mm-hmm. See, everything about God is direct opposite of man, mm-hmm. It's direct opposite of flesh. And religion, what we've known, always tells us that it's not that way. But the truth is that it is opposite. It is directly opposite. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. There were a lot of professors. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Coming to Christ is supernatural. Zu Christus zu kommen ist übernatürlich. Devenir à travers Jésus-Christ est surnaturel. There's nothing natural in Christ. Es gibt nichts, was Natürliches in Christus. Il n'y a rien naturel dans le monde de Jésus-Christ. And we always expect the natural. Ah, wir erwarten immer das Natürliche. Et nous, on a toujours l'expectation de choses naturelles. If you are looking for the natural, no need to come to Christ. Wenn du nach dem Natürlichen suchst, musst du zu Christus kommen. Et si tu cherches des choses naturelles, ça ne sert à rien de venir à travers Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If Christ gives you wife, that wife is not a natural wife. Wenn der Herr dir eine Ehefrau gibt, ist diese Ehefrau so nicht natürlich, sondern übernatürlich. Und das Gleiche geht auch für den Ehemann. Et si le Seigneur te donne un mari ou bien une femme, cette mari ou bien cette femme ne sont pas naturels, ils sont surnaturels. And that's why you should never compare that woman to other women. Deswegen sollst du diese Frau oder diesen Mann nicht mit anderen Leuten vergleichen. Amen. C'est pour cela, il faut éviter de comparer cette femme, ou bien cet homme avec des gens qui n'ont pas Jésus-Christ ou bien avec une autre femme, bien notre mari. Because whoever he gives you, that person is not natural, it's supernatural. That's why it's not about your color, it's not about your beauty. It's not, parce que it's not about la personne, ways. La personne qui te donne, ça ne s'agit pas d'extérieur, mais ça s'agit de l'esprit. Deswegen geht es nicht um dein Aussehen oder dein Gehalt. Oder dein Gewicht oder deine Aussprache, sonst geht nur um Christus. Ça s'agit pas de ceux qu'on voit, des choses extérieures, mais ça s'agit de Jésus-Christ. Again, whatever Christ gave you, they are not natural if they are his desire for you. Was immer Christus gibt, ist nicht natürlich, wenn es sein Wunsch ist für dich. Amen. Et tout ce que le Seigneur te donne par sa volonté, ça s'agit de Jésus-Christ. Nicht, wenn du, when you force him to have it. Wenn du ihn go to Psalm 78. All, we have been there for several times. Let's go there again. Psalm 78. Psalm 78. Papa, what you said, I will go there later. Amen. Maybe not today, maybe on Wednesday. Amen. Praise the Lord. 78. Praise the Lord. Psalm 78 ou bien 78. Psalm 78. Praise the Lord. Amen. Don't force him to give you anything. Zwing ihn nicht, die Dinge zu geben. Amen. Ne force pas le Seigneur à te donner quelque chose. Denn viele Leute zwingen den Herrn durch Fasten und Gebet, ihm Dinge zu geben. Parce que beaucoup de gens, ils sont en train de forcer le Seigneur à lui donner des choses à travers de leurs jeûnes ou bien leurs prières. Whatever you force him to give you will destroy you. Was immer du ihn zwingst, dir zu geben, wird dich zerstören. Es ist nicht Leben, es ist tot. Et si tu le forces à te donner quelque chose, ça va te détruire. Amen. Amen. Because of time, he said from verse 29. So they did eat. And we were filled. For he gave them their own desire. He gave them their own desire. Verse 30. They were not entangled from their lust. But while their meat was yet in their mouth, the wrath of God came upon them and slew the fattest of them and smote down the chosen men of Israel. Mm. Praise the Lord. This always reminds me of so many things. How people fast passage, and pray to get in. Cette passage, ça me rappelle. Ça me rappelle à beaucoup de choses, à des gens qui jeûnent tellement la prière, tellement leur jeûne, mais rien marche. Wie Leute ihre eigenen Vorhaben dem Herrn aufzwingen, damit sie für sie tut, und später explodiert diese ganze Sache. Praise the Lord. Yeah. Whatever he gives you that is not his desire, they are flesh and blood. Was immer dir gibt, was nicht sein Wunsch ist, wird es Fleisch und Blut, und es nützt nicht. Was immer dir gibt und was nicht von ihm ist, ist Fleisch und Blut. Peu importe ce que le Seigneur te donne, qu'il ne s'agit pas de sa volonté, c'est la chair. Amen. Amen. And the Bible gave us that example of it. That is Galatians 4. Und in Galater 4 gibt es auch ein Beispiel dafür. Et dans Galatiens 4, il y a un exemple. Amen. Hagar und Ismael. Hagar et Ismaël. La mère et le fils, ils n'étaient pas de l'esprit, ils étaient de la chair. You can see so close to Abraham. Ils waren Abraham so nah. Ils étaient tellement proches à Abraham. But they were dead. Mais ils étaient morts. Ils tot. Amen. Amen. They were not of the spirit. Galatians 4. Quickly go there. Then we'll Galatians 4. Galates 4. Let us go first to this. Amen. Amen. After that, we'll round up. Galatians 4. Galatians 4. Galatians 4. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. From 19. Galatians 4, 19. Galatians 4, 19. He said, my little children, of whom I travail in death, again until Christ be formed in you. My little children, it's Paul that is speaking here. Paul. My little children. Paul did not have any natural children. C'est Paul qui est en train de parler. Si Paul n'avait pas des enfants naturels, il parle ici, mes enfants. What Christ called children is not what man called children. Was Christus Kinder nennt, somebody get it. Ce que Jésus-Christ appelle enfant, c'est pas ce que le genre naturel appelle enfant. Praise the Lord. No religion believes all children are coming from God. La religion croit que tous les enfants viennent de Dieu. He said, my little children, of whom I travail in birth again, so also I travail in birth again. For you, you children of God, of Christ. Genau so habe ich auch für euch Geburtswehe. Just like Paul, when I read here, I said, Father, Sassif is talking about me. C'est la même chose que j'endure en vous ici dans cette église. Verse 20, say, I desire to be present with you now and to change my voice. For I stand in doubt of you. Verse 21, tell me, you that desire to be under the law, do you not hear the law? Are you getting it? Verse 21. You that desire to see yourself. Ihr. You're under the law, means you see yourself. Euch selbst sehen wollt, denn im Gesetz zu sein bedeutet, dass man sich selbst sehen will. Vous qui désirez de voir votre devoir vous-même, parce que être dans la loi, ça veut dire devoir, devoir son soi. To be under the law, you see what people are doing to you. Im Gesetz zu sein, du schaust auf das, was Leute. I don't like you. What they said about you. They are gossiping about you. Sollte über dich lästern. Are you getting it? Être dans la loi, ça veut dire que tu regardes, tu vois seulement ce que les gens te font, ce que les gens parlent de toi. You better learn to be under grace. Lernt in der Gnade zu sein. See what Christ lernt auf das zu schauen, your was Christus eyes, getan your ears away from whatever people are saying. Nimm deine Augen und deine Ohren weg von dem, was Leute über dich sagen. Lass zu, dass dein Fokus auf Christus allein liegt. Apprends de voir Jésus-Christ. Apprends de vivre dans la grâce. Apprends de voir Jésus-Christ, peu importe ce que les gens te font. 22. Then in answer, for it is written that Abraham had two sons. The one by a bond made, and the other by a free woman. Free woman and a bond maid. Amen. Verse 23. But he who was of the bond woman was born after the flesh. You see it there? Verse 23. Amen. But Abraham is both children, is their father. Aber Abraham war one der Vater. The flesh and one of the Abraham spirit. Était leur père, mais un de ses enfants était naturel et l'autre était spirituel. Aber eins war vom Fleisch und eins war vom Geist. He said, but he of the free woman was by promise. By promise, durch Verheißung, durch Geist. What Christ said, was Christus what Christ gave. Was Christus gegeben hat. Alors que le fils de la femme libre a été donné à Abraham, de la femme libre, ce que Jésus a donné, ce qui était dans l'esprit. His promise, his desire for you, is his promise for you. Was er sagt, was er gibt, was er sich für dich wünscht, das ist seine Verheißung. Ce que Jésus te donne, ce que lui dit, ce que... Jésus-Christ, ce qui est dans sa volonté, ce qu'il a promis. Praise the Lord. Hallelujah. Vers 24. Er hat verheißene Kinder, eine verheißene Ehe, eine verheißene Berufung für uns. Il a une mariage, une promesse de mariage, une promesse des enfants, ce qu'il il a pour nous. Verset 24. He said, which is an allegory. For these two are for these are the two covenants, the one from the Mount Sinai, which generates a bondage, a Mount Sinai generates bondage, which is Agar. Agar, law is bondage. Das Gesetz ist Gefangenschaft. Flesh is bondage. La loi est un esclavage. Captivity. For this Agar is Mount Sinai in Arabia, and answered to Jerusalem, which now is and is in bondage with her children. But Jerusalem, which is above, is free, which is the mother of us all. Praise the Lord. Amen. Now, this period we are is no longer the period of Jerusalem, or the period of Sinai, Mount Sinai. Die Zeit, die wir uns jetzt befinden, ist nicht mehr die Zeit von Sinai oder die Zeit von Jerusalem, sondern von Jesus Christus. Le temps qu'on est, qu'on se trouve maintenant, c'est plus le temps de Jérusalem ou bien de Mount Sinai, c'est le temps de Jésus Christ. Praise the Lord. Alléluia. Verse 27, it says, for it is written, rejoice thou barren, that beareth not. Break forth and cry, thou that travaileth not. For the desolate hath many more children than she which hath an husband. Ah, praise the Lord. Amen. You know, the period we are now. My prayer for all pastors. Et c'est la prière pour tous les pasteurs qui viennent en esprit. We should really pray for the pastors. Mm-hmm. On doit vraiment prier pour les pasteurs, tous les pasteurs. Wir sollten wirklich für die Pastoren beten. If not, Satan will destroy all of them. Sinon, le diable va tout les détruire. Because the flesh. profited nothing. Das Fleisch nützt nichts. Car la chair ne profite rien. You can see, you know, churches today is all about the flesh. Und hier geht es immer nur um das Fleisch. De toutes les églises ou bien les mais tu peux l'église, tu vois que ça s'agit de la chair. If you see them in the church, you see that they are looking for husband, they are looking for wife, they are looking for money, they are looking for healing. See, it's all about, it's not to know Christ. They are not hungry of the truth, they are hungry of taste. Nach Fleisch, nach Ehe, nach Erfolg, nach Geld, nach Dinge, aber nicht nach Christus. Et si on observe ces églises, ils sont jamais à la recherche de Jésus-Christ, ils sont toujours à la recherche des choses charnelles, comme du mari, femme, l'argent, de guérison. Praise the Lord. Alléluia. Amen. We are of the spirit. Wir sind vom Geist. On est d'esprit. Look at 29. Verset 29. Or verse 20. Let me see, verse 28 is okay. 28 and 29. 28. He said, now 28. We, brethren, as Isaac was, are the children of promise. Amen. You see that? Verset 28, on est les enfants de la promesse. But as then, he that was born after the flesh persecuted him that was born after the spirit. Mm. Two different births. Zwei verschiedene Geburten. Deux différentes naissances. Oui, deux différentes naissances. We will continue from here. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. We will continue from here. Amen. Amen. Because, you know, here is not talking about being born. That is the natural birth. Ici, ça ne parle pas de naissance naturelle. We will continue from here. Amen. Amen. Amen. Hier geht es darum zu sagen, dass wir in der gleichen Kirche sein können, aber dennoch verschieden geboren sind. Ici, ça parle de que on peut être dans la même église, mais on peut avoir deux naissances différentes. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Please do not allow anybody to separate you from Christ. Lass nicht zu, dass sich jemand von Christus trennt. S'il te plaît, il faut pas laisser que quelqu'un te sépare de Jésus-Christ. Amen. Amen. Always remember your character. Erinnere dich immer wieder an deine Natur. Rappelle-toi toujours à ta nature qui est Christ. Amen. Amen. One of Christ's character is he never separates himself from his father. Ein Teil seiner Natur ist, dass sich niemals vom Vater trennt. Une de la caractère de Jésus-Christ est qu'il se sépare jamais de son père. You know, John 10:30, he said, I and my father, we are one. Johannes 10:30 sagte, ich und mein Vater, wir sind eins. Dans Jean 10, verset 30, il dit, moi et le père, on est un. Don't separate yourself from your trenne dich nicht from von deinem Christ. Vater, trenne dich nicht von Christus. De Jésus-Christ, de ton père. Don't allow the lies of Satan to separate you from him. Lass nicht zu, dass die Lügen des Satans dich von ihm trennen. Ne permis pas que les mensonges du diable te séparent de Jésus. Don't allow the lies of religion to separate you from Lass him. Nicht zu, dass die Lügen der Religion dich von ihm trennen. Ne permis pas que les mensonges du religion te séparent de Jésus-Christ. You know, the religious people, they wanted him to separate himself. Die religiösen Leute wollten, dass er sich von seinem Vater trennt. Les gens religieux voulaient que Jésus se sépare de son père. Amen. Amen. In that verse 26, he said the religious people they don't belong to him. Er sagt in 26 sagt er, dass die religiösen Leute nicht zu ihm gehören. He said, don't you not belong to me. Dans Jean 10, verset 26, il dit à les gens religieux qui ne parlent pas de lui. He was talking to the Jews. Er hat zu den Juden gesprochen, zu religiösen Menschen. Il a parlé chez les Juifs, les gens religieux. If you want to know exactly what religion really is, that is not Christ, you go and read John 3. Wenn du wirklich verstehen willst, dass Religion nicht Christus ist, dann lest dir Johannes 3 durch, wo es um Nikodemus und Jesus geht. Et si tu veux vraiment comprendre la religion, mais c'est que la religion va lire Jean 3, quand Nicodémus le pharisien, il a parlé avec Jésus-Christ. I'm going to check the life of Paul before he met before Christ revealed himself to him. Genauso schau dir das Leben von Paulus an, bevor er Jesus Christus begegnet ist. Er war religiös. La vie de Paul avant qu'il a raconté Jésus-Christ, il était tellement religieux. Praise the Lord. Amen. You know, when you talked about Paul, Peter, you know, people can't even get it. But when you now say Jesus, they will say, okay, he's God. Who are you? Wenn du über Paulus und Petrus sprichst, sagen Leute, okay, aber wenn du über Jesus sprichst, sagen Leute, nein, er ist Gott, damit kannst du dich nicht vergleichen. It's different. It's not different. As he is, so are you right now. Si tu parles de Paul ou bien de Pierre, les gens disent, ah, d'accord, mais si tu parles de Jésus-Christ, ils disent, bon, Jésus-Christ, il était Dieu, mais... Praise the Lord. Er sagt, so wie er ist, so sind wir jetzt hier auf dieser Welt. Parce qu'il dit, comme lui, il était, nous, on sent maintenant dans cette terre. Amen. Amen. He said, as my father sent me. He's called himself a messenger. Er hat sich selbst ein Diener genannt. Amen. That's John 20:21. He called himself a messenger. Er nennt sich selbst einen Boten. Jésus lui-même, il s'appelait une messagère. He said, as my father sent me, so I sent you. I am a messenger. So you are also a messenger. Comme mon père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie parce que vous aussi vous êtes des messagers. And the Bible says he is our example. Et la Bible dit il est notre modèle. We are not different from Christ. On n'est pas différent de Jésus-Christ. Amen. Amen. Those are love the flesh. I pity them so much. Aber ich habe Mitleid mit den Menschen, die das Fleisch lieben. Ceux qui aiment la chair, j'ai vraiment pitié avec eux. Those that are after the flesh. Die Leute, die hinter dem Fleisch her sind. Ceux qui désirent ou bien marchent selon la chair. So ich habe so viel Mitleid mit ihnen. J'ai tellement pitié avec eux. You know, they will say, yes, we understand it's only Christ, but. Sie sagen, ja, wir verstehen, dass es Christus ist, aber das Fleisch ist immer noch ein Teil davon. Ils vont dire, oui, on comprend, ça s'agit de Jésus-Christ, mais la chair est toujours en pouvoir. We know that it's honor, yeah, we know it's Christ, but the Bible says, honor your father, honor your mother. So this week I say, oh, I heard it from people phoning me, amen. Wir wissen, dass es Christus ist, aber dennoch müssen wir unsere Eltern ehren. Ich habe das heute, diese Woche so oft gehört. On sait que ça s'agit de Jésus-Christ, mais on doit honorer notre père, notre mère. Cette phrase, j'ai entendu ça beaucoup de fois cette semaine. I don't want my children to honor me without honoring Jesus. Ich will, dass meine Kinder mich ehren ohne Christus zu ehren. Je veux pas que mes enfants m'honorent sans honorer Jésus-Christ. If you cannot honor Christ, you cannot even honor your mother. Aber wenn du Christus nicht ehren kannst, dann wirst du in der Zeit. That honor you are honoring is fake. Die Ehre, die du da tust, ist nur heiße Luft. Das ist verfälscht. Parce que si tu ne sais pas honorer Jésus-Christ, tu ne seras pas capable d'honorer ta mère et ton père. Parce que cette façon d'honorer, c'est falsifié. Oui, c'est falsifié. And you endanger their life. Und du bringst ihr Leben by honoring them without honoring Christ. Indem du sie erst ohne Christus et tu amènes tes parents, bien ton mère et ta père dans une danger parce que tu le honores sans honorer Jésus-Christ. It's not Christ plus the flesh. Es ist nicht Christus plus das Fleisch. Es ist Christus allein. Ce n'est pas Jésus-Christ plus la chair, c'est Jésus-Christ seul. Christ plus things is nothing. Christus plus Dinge ist vielleicht nichts. Mm. Jésus plus quelque chose d'autre, c'est rien. Mais Jésus sans quelque chose, c'est... Ouais, c'est but Christ chose, plus nothing. Christus plus nichts. It's everything. Mm. Mais Jésus-Christ plus rien, c'est tout. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. So please, if you have any question or testimony to give,